Exercice 7, page 64. A. Une table pour deux? B. Elle est amoureuse. C. Tout peut arriver. D. Tu peux sourire. E. Tu peux l'oublier. F. Tu peux ouvrir.